Extrait de la 9e promenade. Le bonheur est un état permanent qui ne semble pas fait ici-bas pour l'homme. Tout est sur la terre dans un flux continuel qui ne permet à rien d'y prendre une forme constante. Tout change autour de nous. Nous changeons nous-mêmes et nul ne peut s'assurer qu'il aimera demain ce qu'il aime aujourd'hui. Ainsi, tous nos projets de félicité pour cette vie sont des chimères. Profitons du contentement d'esprit quand il vient. Un dimanche, nous étions allés, ma femme et moi, dîner à la Porte Maillot. Après le dîner, nous traversâmes le bois de Boulogne jusqu'à la Muette. Là, nous nous assîmes sur l'herbe, à l'ombre, en attendant que le soleil fût baissé pour nous en retourner ensuite tout doucement par Passy. Une vingtaine de petites filles, conduites par une manière de religieuse, vinrent, les unes s'asseoir, les autres folâtrer, assez près de nous. Durant leur jeu, vint à passer un oublieur, marchand et fabricant d'oubli, avec son tambour et son tourniquet, qui cherchait pratique. Je vis que les petites filles convoitaient fort les oublis, et deux ou trois d'entre elles, qui apparemment possédaient quelques liards, demandèrent la permission de jouer. Tandis que la gouvernante hésitait et disputait, j'appelai l'oublieur et je lui dis « Faites tirer toutes ces demoiselles, chacune à son tour, et je vous paierai le tout. » Ce mot répandit dans toute la troupe une joie qui celle eût plus que payer ma bourse quand je l'aurais toute employée à cela. Comme je vis qu'elle s'empressait avec un peu de confusion, avec l'agrément de la gouvernante, je les fis ranger toutes d'un côté et puis passer de l'autre côté l'une après l'autre à mesure qu'elles avaient tiré. Quoiqu'il n'y eût point de billet blanc et qu'il revint au moins une oubli à chacune de celles qui n'auraient rien, qu'aucune d'elles ne pouvait être absolument mécontente, afin de rendre la fête encore plus gaie, je dis en secret à l'oublieur d'user de son adresse ordinaire en sens contraire, en faisant tomber autant de bons lots qu'il pourrait, et que je lui en tiendrai compte. Au moyen de cette prévoyance, il y eut tout près d'une centaine d'oublis distribués, quoique les jeunes filles ne tirassent chacune qu'une seule fois. Car là-dessus, je fus inexorable, ne voulant ni favoriser des abus, ni marquer des préférences qui produiraient des mécontentements. Ma femme insinua à celles qui avaient de bons lots d'en faire part à leurs camarades, au moyen de quoi le partage devint presque égal et la joie fut générale. Nous nous quittâmes enfin très contents les uns des autres, et cet après-midi fut une de celles de ma vie dont je me rappelle le souvenir avec le plus de satisfaction. La fête, au reste, ne fut pas ruineuse, mais pour 30 sols, qu'il m'en coûta tout au plus, il y eut pour plus de 100 écus de contentement. Tant il est vrai que le vrai plaisir ne se mesure pas sur la dépense et que la joie est plus amie des liards que des louis. Je suis revenu plusieurs autres fois à la même place, à la même heure, espérant d'y rencontrer encore la petite troupe, mais cela n'est plus arrivé.